vendredi 27 octobre. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour passer la prochaine heure. Et je me suis payé la traite, comme on dit en bon français. Cette semaine, on parle de phénomènes paranormaux. Pourquoi je dis que je me paye la traite? Parce que moi, je suis une adepte. Je vais quand même être sceptique, mais je suis intéressée, je suis intriguée plutôt par ces phénomènes-là qui sont les phénomènes paranormaux et aussi parce que, ça faisait partie de la tradition chez nous, entre autres, si les gens se rappellent, l'émission TAPS, je crois que ça joue plus, c'était à Z Télé. Et puis, chez nous, on écoutait ça pratiquement en famille, les vendredis soirs. Les vendredis soirs, moi, j'écoutais la télé avec mes parents. Je l'avoue. Je fais partie des différents, puis c'est pas pour rien. Donc, là-dedans, pour expliquer ceux qui suivent, qui n'ont pas suivi ça, la série TAPS, c'était vraiment des gens qui étaient... c'était des chasseurs de fantômes qu'on pouvait appeler. Et puis, vraiment, ils allaient voir dans différents lieux, est-ce qu'il y a des esprits, est-ce qu'il y a des phénomènes, est-ce que c'est explicable aussi. Donc, il y avait toujours le côté réaliste, le côté sceptique quand même de la chose et le côté inexpliqué. Et puis, ce matin, on se paye la traite encore, comme je dis, pour parler avec des gens qui travaillent dans le paranormal, qui font ça par plaisir. Et mes invités, vous allez pouvoir aussi leur poser des questions à partir de la page Facebook Les Différents. Sur la dernière publication, vous pouvez y aller et je vais voir les questions qui sont là-dessus. Si vous êtes trop gêné, envoyez-moi un message directement en privé sur la page Les Différents, toujours. Donc, mes invités ce matin, ils sont investigateurs, parce qu'ils n'aiment pas ce terme-là de chasseurs de fantômes, c'est des investigateurs en phénomènes paranormaux inexpliqués. J'ai Fabien Demarteau et Josée Michaud avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes contents, vous êtes des passionnés. Vous êtes vraiment des passionnés. Puis en commençant, j'aimerais vous demander pourquoi vous vous intéressez aux phénomènes paranormaux. Qu'est-ce qui vous amène là-dedans? Parce qu'on est différents, nous aussi. c'est exactement... On m'a demandé pourquoi je parlais de paranormal ce matin dans les différents. Voyons donc, t'es plus dans la société au niveau des organismes communautaires, mais c'en est une différence d'aimer ça. En effet, c'est une passion qu'on a depuis presque toujours, mon mari depuis quelque peu. Mais non, vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Oui, on est différents. C'est difficile à expliquer le pourquoi. Il y a toujours un début à tout. Moi, c'est pas mal le décès de ma mère qui a fait que je me suis encore plus... parce que je voulais communiquer avec elle et j'ai réussi. Ça a marché. Oui. Je veux dire, j'ai passé avec un médium avant, là, en deux fois, puis maintenant, je suis capable par moi-même, là, de... Parce que tout le monde, en fait, a ça en dedans, mais il s'agit de le... De le développer, de le travailler. Et voilà. Mm-hmm. Puis c'est pas facile, il y en a qui n'arrivent pas non plus, parce qu'une personne qui est sceptique, c'est sûr, n'arrivera jamais à rien. Ou quelqu'un qui a peur. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, j'ai rien contre ça. C'est sûr que c'est difficile à croire, il faut voir. Mais êtes-vous sceptique? Je vais juste aller voir, je vais vous demander pourquoi, si vous êtes sceptique aussi, mais juste avant, j'aimerais ça, Fabien, savoir, vous, de votre côté... Qu'est-ce qui a fait qu'on s'intéresse pas du jour au lendemain? Est-ce que ça a été du jour au lendemain aussi ou non? Il y a à peu près 5 ans d'ici, je croyais absolument pas à ça. Je voulais rien savoir. Les gens qui me parlaient de paranormal. là, on est en direct en plus sur les pics, donc sur le groupe Facebook du groupe Les Pics. Enquête en phénomène inexpliqué Québec. On peut nous suivre en allant chercher et ajouter la page EPIC, donc E-P-I-Q, pour Enquête en phénomène inexpliqué de Québec. Donc, les enquêtes en phénomène inexpliqué. Si on veut voir en direct qu'est-ce qui se passe dans les studios. C'est cela. Donc, on est en studio en ce moment et je filme avec mon téléphone. Comme vous le voyez, on est à l'intersection de la 3e et de la 4e avenue à Québec, dans la Basse-Ville. J'aimerais ça revenir à la question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé il y a 5 ans au phénomène inexpliqué? En fait, on est allé dans une place de Saint-Sauveur. On est allé dans un immeuble où on a vécu des phénomènes très spéciaux. C'est-à-dire que on était sur la passerelle en haut, près des étages, et puis je me suis fait bousculer. Bousculer par c'est pas quoi, c'est pas qui. On a eu des grognements qui ont été entendus. On a eu des choses, mais là, on parle plus le genre de bienvenue qu'on aime recevoir, hein, des grognements. le genre de choses que, mettons, ça peut faire peur. J'ai eu un sentiment de peur à un moment donné, mais je suis resté sur mes gardes. J'ai dit, ça se peut pas, c'est pas vrai, ça existe pas. J'ai dû me rendre compte et à l'évidence que, quelque chose ne voulait pas que je sois là. J'étais pas le bienvenu. Donc, on a parlé de ça avec des amis et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que, ça existe. On est allé à d'autres places. Je me suis fait attraper une fois par les jambes dans un vieil entrepôt de Issard-Basseville. Pas très, très loin d'ici. On a fait un peu d'urbex. Pas très très longtemps. Et puis, bien sûr, ça nous a permis de visiter des endroits qui étaient... Et c'est ce qui a fait que vous êtes intéressé, dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à la vie après la mort. Mm-hmm. Et par la suite, ça a décollé tranquillement. Là, on a rencontré d'autres personnes. On est allé avec un autre groupe d'investigation en phénomènes paranormaux. Et bien sûr, c'est sûr qu'il y a le côté investigation, mais il y a aussi le côté démystification des faits. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a un côté sceptique aussi que vous gardez. Oui. Puis ce côté-là, vous vérifiez, voir est-ce que c'est quelque chose qui est physique. Dans vos enquêtes, vous regardez entre autres ça. Comment ça fonctionne pour voir, pour peser le pour et le contre, c'est quoi? Est-ce que c'est inexpliqué? Ou est-ce que c'est explicable? Bien, en fait, inexpliqué, nous, on dit inexpliqué pour certaines catégories de gens, mais pour nous, la plupart du temps, c'est expliqué parce que avant de faire une enquête sur un bâtiment ou quelque chose comme ça, on va vérifier quelle année c'était construit, qui a pu vivre là avant, s'il y a eu des suicides, des meurtres, peu importe. On vérifie tout ça. Donc, quand on arrive à un endroit, on sait où on va, on est capable de dire, bon, OK, ça, c'est causé par telle chose. Dans certaines pièces, on me pousse à y aller ou pas y aller. J'ai certaines visions de certaines choses. Je suis capable de voir, une pièce, justement, où il y avait eu, excusez-moi, mais un meurtre. J'ai pu voir les murs pleins de sang. J'ai pas vu la personne, en fait. Dans votre cas, vous êtes médium aussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on les voit. Oui, mais je peux pas dire. J'aime pas me dire médium parce que je le suis pas encore parfaitement. Mm-hmm. J'ai pas encore terminé certaines formations qui fait que j'en ai un. J'ai commencé à passer des âmes. C'est quoi ça? En fait, c'est que... On va peut-être bifurquer un petit peu partout, mais c'est tellement vaste, le monde paranormal. C'est que, en fait, il y a des âmes qui sont perdues, qui sont là, qui vont errer un peu partout. Oui, exactement. Okay. Puis, à un moment donné, ils nous demandent de partir. Par contre, il y en a d'autres qui sont dans une boucle qu'on appelle, et c'est une boucle temporelle, ils sont tout le temps dedans, même si on voudrait les passer, j'ai essayé d'en passer un, dénommé Théo, ça a pris Je dirais, j'ai essayé peut-être une dizaine de fois, puis ça finit toujours. Il me disait oui, il venait pour partir, puis finalement, il revenait toujours. Bon, donc lui, je me suis rendu compte qu'il était dans une boucle temporelle, puis lui, tout ce qu'il fait, ben, c'est revivre sa dernière journée. Puis c'est un jeune, une vingtaine d'années, qui a vécu dans les années 20 environ. Il y a un autre endroit où j'étais avec une médium, en fait, et puis je me suis sentie tanguée d'un bord puis de l'autre, puis je disais, c'est pas normal. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était sur le Titanic. Oui. Et vous étiez où physiquement? J'étais. Ben, on était dans une maison ici à Québec, que la dame me disait qu'elle avait des phénomènes. Donc, on a été, puis on a nettoyé le tout, mais quand même, il était là. Il était. Puis même, c'est plate à dire, mais il était en train d'être malade parce qu'il était depuis X années là, sur le Titanic à se faire tanguer. Moi, j'ai vu la salle de bal du Titanic. Et j'ai jamais été là. En tout cas, pour eux autres, c'était magnifique, mais pour moi, c'était très ordinaire. Mais finalement, on a réussi à le faire passer, ce beau jeune homme qui était là. C'était un beau jeune homme de l'époque. Je peux pas dire s'il était marin ou quoi, mais en tout cas, c'était un beau jeune homme. Et finalement, il a passé, il était très heureux de partir. Mais quand vous voyez ça, vous voyez... Puis, je me place aussi dans la peau des auditeurs. Puis, moi, j'ai un côté sceptique aussi. Ouais. Mais je me dis, est-ce que ça vous arrive de faire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi, là? J'ai vraiment des visions, puis ça fonctionne pas. Est-ce qu'on se pose des questions à se demander, c'est-tu vrai ce qui m'arrive ou c'est moi qui est en train de perdre la carte? Bien, en fait, moi, maintenant, je dirais que... Pardon. Je dirais que je me pose plus la question. Je me l'ai posée longtemps. Ouais. Maintenant, je me la pose plus. La seule question que je me pose, c'est cette personne-là, est-ce réelle ou pas? Parce qu'il y en a qui sont vraiment bien définis, qu'on dirait vraiment que c'est une personne qui est là. Mais en fait, c'est une entité. Parce qu'il ne faut pas... Fantôme, moi, j'ai... En tout cas, ce mot-là, c'est une autre histoire. C'est le mot là, populaire mais... pour... Oui, bien, c'est ça, mais en fait, c'est une entité, là. Il y en a qui aiment ça, user, employer et user de ce terme, oui. Chasseur de fantômes. Il y en a qui aiment ça, user et abuser du terme chasseur de fantômes. Il y en a que c'est pour nous tourner au ridicule. Il y a bien sûr des sceptiques de la première heure. Ah, c'est sûr qu'on pense à Ghostbusters aussi. Il y a des Ghostbusters. Oui. eux, ils voient voler du jello dans les airs, là. Non, c'est pas ça du tout. On est vraiment pas rendu là. On n'est pas avec des canons à protons en train de chasser du jello dans le ciel, là. C'est vraiment pas ça. Parce qu'il y a plusieurs pratiques qui existent aussi. Moi, je me rappelle certains films où est-ce qu'on voyait, bon, avec la pyramide, il y en a qui vont utiliser une petite pyramide, qui vont essayer de concentrer l'énergie à une place. Il y a plein de gens qui vont essayer des techniques pour enlever les esprits. Puis ça peut être assez farfelu. On s'entend que la personne qui entend ce matin ou même qui voit ça, qui se dit « Eh non, ils essaieront pas de m'embarquer là-dedans. Là. » Parce que, comme je dis, j'ai un côté que j'y crois, mais j'ai un côté sceptique aussi. Puis je me place dans la peau des gens qui vous écoutent, qui y croient et qui sont sceptiques en même temps. Ben en fait, c'est ça. Il y a plein de techniques. Il y en a qui exagèrent un petit peu, on dirait. Il y a un show. Oui, exactement. Moi, j'ai... De la machinerie, parce que oui, c'est de la machinerie. Oui, il y en a de la bonne. C'est sûr que, bon, pour écouter des phénomènes de voix électronique, ces choses-là, oui, ça prend pour des gens qui débutent ou des gens qui... Parce que c'est approfondir, en fait, une enquête, ben oui, ça prend ça. Puis de l'autre côté, moi, je suis plus avec moi-même. Je fonctionne avec moi-même. Pas avec les outils nécessaires. Non, c'est ça. Parce que lui, personne ne voit. Mon mari, lui, c'est plus les outils. Oui, lui, moi, il va se servir. C'est beaucoup plus le matériel. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? On utilise beaucoup des détecteurs de champs EMF, donc des champs électromagnétiques. Okay. On utilise des détecteurs de champs électromagnétiques qui sont tels que des K2. Le K2 qui est un petit appareil sur lequel il y a des témoins lumineux. Lorsqu'une énergie nous approche, elle va être détectée automatiquement sur l'appareil, sur le K2, qui lui va émettre des variations au niveau lumineux. Est-ce que ça ressemble physiquement, le K2, là, ça ressemble à... Il y a des lumières de gauche à droite et ça va s'allumer en montant ou en descendant, c'est ça? Oui, bon. Exactement. Oh, je m'en viens pas pire. C'est sûr que le K2, l'appareil en tant que tel, lui peut être influencé par différentes choses. Ça peut être téléphone cellulaire, l'énergie d'un téléphone cellulaire, les ondes peuvent le déranger. Une source électrique. Okay. Tout ce qui peut avoir rapport à de l'énergie. Parce qu'en fait, de l'eau, c'est de l'énergie. Quand on passe barrage hydroélectrique, c'est de l'énergie. Donc, toutes ces petites choses-là, parfois, bien sûr, le K2, on ne peut pas vraiment l'utiliser comme on veut. C'est sûr que si on rentre dans un bâtiment où il n'y a pas de courant électrique, où l'eau est débranchée, le réseau d'eau est débranché, là, à ce moment-là, on dit « OK, là, on a des variations importantes. » Et bien sûr, j'ai testé à plusieurs places. Est-ce que vous fermez les panneaux électriques quand vous allez sur des enquêtes? Parce que je sais qu'il y en a qui le font, qui vont fermer tous les panneaux pour être sûr de ne pas avoir ce K2-là qui est dérangé, les énergies. Mais ça dépend des endroits. Une maison privée, on essaie le moins possible parce qu'il y a les frigos puis tout ça. On ne veut pas non plus tout déranger. Mais nous, on sait à peu près où il ne faut pas être trop près de des panneaux électriques ou des choses comme ça, on se tient plus loin. C'est sûr que on est tout près du panneau électrique, puis il y a des fluctuations. Bon, on va se dire, bon, OK, c'est peut-être ça, on va changer d'endroit. On est par nous-mêmes, on est capable de voir, là. Vous n'allez pas monter de toutes pièces, c'est ça, là, les histoires pour faire peur aux gens. Non, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Justement, le but, c'est de valider ou démystifier des phénomènes des phénomènes inexpliqués. C'est sûr que si on marche sur un plancher en latte et puis que la dernière latte cogne sur la porte, il y a un bruit qui est émis, on marche sur le plancher puis cloc, cloc à l'extrémité de la pièce. OK, on va démystifier ce fait-là. C'est sûr que si on enquête, si on investigue un bâtiment pendant une tempête de neige ou une tempête de grêle puis que ça cogne de tout bord, tout côté, c'est pas les conditions idéales. Des conditions idéales, il n'y en a pas vraiment. Comme là, actuellement, il y a du vent, il y a de la pluie. Ça peut cogner sur les carreaux. Il peut y avoir des bruits bizarres. Je sais que tout à l'heure, quand on est rentré dans la station, On va en parler parce que ça a été le fun. En pré-entrevue, là, on va y aller tout de suite, tiens. Oui. Parce qu'on va finir notre premier bloc avec ça. Je vous ai déjà demandé en pré-entrevue s'il y avait des places à Québec. Puis on en nommera plus tard, il n'y a pas de trouble. Puis vous m'avez dit, oui, il y en a plein à Québec. Bon, j'ai dit, mettez-vous pas dans le trouble en les nommant, parce que là, je veux pas fermer des commerces ou quoi que ce soit, faire peur aux gens. C'est vraiment pas ça le but. Mais quand vous avez dit, ce matin, on arrive, et qu'est-ce qui arrive à CKRL, vous dites, vous avez vu quelque chose. Bien, c'est sûr et certain qu'il y a plein de choses. L'imprimante en passant, chers collègues, je pense qu'on va avoir besoin de bisouner un petit peu. L'imprimante, ce matin, a décidé qu'elle arrêtait de fonctionner. Donc, vous avez vu quelque chose en rentrant ce matin. Comment ça fonctionne? Parce que nous, c'est une ancienne banque, c'est CKRL. Mm-hmm. Puis, juste situer les gens, c'est une ancienne banque. On est au coin de la 3e avenue, 4e rue, dans Limoilou. Puis, expliquez-moi ce qui s'est passé. Moi, je peux pas. Okay. On est rentré dans le bâtiment et puis, tout de suite, j'ai senti comme, oh, il y a du monde ici. Et puis, c'est bizarre parce que c'est l'impression que, tout de suite, mon attention a été attirée vers le fond de la pièce, proche de l'ancien coffre-fort de la banque, là où quelque chose se tenait là. Moi, je le vois pas forcément, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était là. Et puis, cette chose-là, cette entité-là avait vraiment l'air d'avoir bien du plaisir à savoir que nous étions présents. Cette entité-là, il y avait du fun. Il savait qu'on était là. Il nous attendait. Il savait qu'on allait parler de lui aujourd'hui. Je pense que c'est actuellement, là. Je sais qu'il est pas, loin. il est proche de moi. Fait qu'autrement dit, vous fonctionnez pas juste avec la technologie dans votre cas, Fabien. Il n'y a pas juste la technologie, il y a du ressenti, Puis à ce moment-ci, j'ai le poil qui dresse sur les bras. Il n'est pas loin. Il est proche. En tout cas, il aime beaucoup ses bretelles. Mais il aime ça. Donc, Je vais poser la question à tous ceux de CKRL s'il y a quelqu'un à bretelles qui se tenait. Mais ce sont des anciens employés de bord. Dans le coin de la bouche, puis il est heureux. On va dire des personnes qui étaient ici aux alentours des années 20. Moi, je dirais 1927, quelque chose de proche de même. C'est certain que CKRL n'était pas ouvert. CKRL n'était pas là, mais le bâtiment, il était là. Exact. En 1927, le bâtiment était déjà existant. Je ne sais pas en quelle année. Je n'ai pas investigué le bâtiment en tant que tel. Non, parce qu'on ne venait pas pour ça. On ne venait pas pour enquêter le bâtiment. Mais quoique, à un moment donné, j'aimerais ça que, oui, si le propriétaire dit, ben écoute, moi, je serais ouvert, ce serait bien le fun peut-être de faire même ça en live. ce serait assez drôle, mais je sais que tout à l'heure, on était attendu. Il y avait quelque chose direct. Je vous laisserai avec la direction régler ça. Quand on est rentré dans le bâtiment tout à l'heure, c'est sûr et certain qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'a attiré parce que, comme tu l'as remarqué, Mélanie, tu me parlais puis j'étais pas là. Non. J'étais vraiment pas là. J'étais braqué vers le fond de la pièce. Je me suis dirigé vers les bureaux et puis c'est avec plaisir que j'ai eu ce ressenti-là qui était ce monsieur qui est grand. On parle de 6 pieds 1 à peu près. Assez bien grand, forte stature, la grosse moustache et puis son bout de cigare. Un peu comme Méo, là. Mais c'est ça, c'est un monsieur qui est très grand, mais très, très chic, qui est très gentleman. Mais qui aime ses bretelles. Mais il aime ses bretelles. Mais reste que, ce que je disais, avec l'imprimante, reste que ça peut juste être une feuille qui est prise. Oui, comme ça peut être lui. C'est exactement. Mais il n'est pas tout seul, là. Il n'est pas tout seul. Il n'y en a pas juste un. Non, dans les ventilations, là. Écoutez, c'est tellement drôle. Mais vous avez quand même, malgré tout, vous faites les investigations. Puis plus tard dans l'émission, j'aimerais ça qu'on en parle, les types de phénomènes. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur aussi? Oui. Parce que là, on parlait tantôt, Fabien disait, ça m'a passé au travers le corps. Je pense pas qu'on tripe vraiment, là, en bon Québécois, qu'on aime ça, que ça nous arrive, ça non, doit pas être agréable. Non, traverser, c'est pas le fun, parce que on a une sensation de froideur extrême. Après, c'est une grosse chaleur qui vient. Puis on est comme déboussolé un peu à l'intérieur. C'est quoi? C'est de l'énergie? C'est parce que en fait, une entité, c'est du froid. C'est très, très froid. Puis quand ça nous traverse, c'est comme de la glace sèche. La glace sèche, là, vous savez, ça brûle. Mais c'est une fraction de seconde, là, c'est vraiment pas long. Mais la sensation qu'on a après, c'est déboussolant un peu. Les premières fois, on s'habitue à un moment donné. Mais Fabien, lui, il est comme... Je suis un aimant, en fait. Il est un aimant. Je les attire. Il les attire. Il y a des aimants à femmes et des aimants à fantômes. Ben, c'est ça. Voilà. Puis lui, il les attire. Puis les entités, en fait, leur plaisir, c'est de le traverser. Parce qu'il y a comme pas de filtre. Il n'y a pas de barrière. Il faut qu'il pratique ça, là, vraiment faire une barrière, dire wow, c'est assez. Pas comme ça. Comme quand je conduisais, comme je disais tantôt, avant l'émission, je conduisais, puis il en arrivait, pouf, devant moi. Là, on parle d'entité, là, qui arrive directement de... Oui, oui, là, on freine, ou qu'est-ce qu'on fait, sais-tu? Mais, à un moment donné, moi, je leur ai fait, wow, c'est assez, là, quand je suis en voiture, prenez le temps avant de m'apparaître, parce que à la dernière minute, comme ça, c'est très, très, très dangereux. C'est ça. Cet été, j'ai eu un phénomène, moi, sur Saint-Vallier-Ouest. proche de petit bar qui s'appelle La Babiche. On descendait Saint-Vallier-Ouest vers 11h30, minuit moins le quart. Et il y avait un monsieur, une vraie personne qui marchait sur le trottoir à ma gauche. Moi, je m'en allais vers Saint-Sacrement. Et puis, quelque chose a traversé devant moi, puis un monsieur qui marchait allègrement. Il traversait. C'était pas un monsieur, c'est quelque chose qui a passé du cimetière Saint-Charles vers l'autre trottoir. Excusez-moi le terme, j'ai fourré le break. J'ai vu passer ça, on va dire, à pas très très loin de mon véhicule. Je l'ai pas trouvé drôle, j'ai Non, fourré le non. break. Mais ça arrive. Là, j'ai dit, hey. Mais ça a l'air de vous arriver souvent. Oui, tous les jours. Chaque jour. Mais c'est où? C'est Il y en a il y en a partout. Ils partout. sont partout, Ils partout, sont partout, il à... y en a partout. ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont. Il y a des bons, il y a des mauvais. C'est Mais il y a sûr. plus de bons que de mauvais. C'est Des ça, parce que c'est les mauvais. mauvais qui font peur. C'est les C'est mauvais qui font surtout peur. ceux-là que les gens craignent. Oui. Puis Quand ça, on fait des films d'horreur aussi Ben, avec. encore là, les mauvais, c'est sûr, je rentrerai pas dans tout ça parce que c'est complexe, puis ça mêlerait plus les gens qu'autre chose. Il y a des phases, comme on dit, après la mort et tout ça. Puis ces gens-là, ces entités-là, sont comme prêts à l'intérieur d'une phase où ça prend ils appellent ça des remorqueurs pour aller les chercher, pour les amener. S'il n'y a pas de remorqueurs pour aller les chercher, ils restent là, ils se fâchent. Puis à un moment donné, c'est là qu'ils font du poltergeist ou des choses comme ça. Des Mais. phénomènes de des phénomènes de déplacement d'objets, de Exact. projection d'objets, des coups dans les murs, des coups sur les... Autrement dit, une entité qui est frustrée, enragée, peut devenir un effet, un phénomène de poltergeist. Ça, c'est le genre de choses, par exemple, qui peut faire peur, qui peut déranger. Ben, on va en parler justement. On va prendre une pause. On a déjà une première demi-heure de fait. Et au retour, oui, vous êtes surpris, ça passe toujours vite. Et au retour, on va parler justement des types de phénomènes que vous avez rencontrés. On en a parlé un petit peu quand même de ce que vous avez vécu et ce que vous aimeriez rencontrer aussi. Je suis curieuse de voir. Je suis pas mal sûre il doit en avoir quand même pas mal Moi, que vous n'avez pas rencontré. je l'ai déjà rencontré. On revient après la Oui. pause et puis ben c'est ça, au retour, on continue de parler, à parler en fait de phénomènes paranormaux inexpliqués dans notre spécial Halloween des différents. À tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Et pour le restant de l'émission, ben, on continue. On parle ce matin, en fait, pas de la chasse aux fantômes, mais plus d'investigation, de phénomènes paranormaux. Et avec mes invités, on en parle depuis le début de l'émission. Je suis avec José Michaud et Fabien Demarteau, qui sont investigateurs, en fait, pour EPIC, qui est Enquête phénomène inexpliqué Québec. Ça se passe à Québec. Et vous faites des enquêtes dans le paranormal, comme j'expliquais avant la pause. Et je vous ai demandé avant la pause, quel type de phénomène que vous avez rencontré? Ben. C'est parce que là, j'ai entendu avant la pause Poltergeist. J'ai entendu aussi en pré-entrevue Jean. Je ne sais pas Oui. qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà rencontré comme type de phénomène? Jean. Oui, C'est le quoi djinn. ça? En fait, c'est. Vous savez, on voit dans le film les espèces de comment je pourrais dire? En tout cas, les cornes, là, puis Oui, les yeux rouges, c'est vraiment pas joli. C'est comme un homme noir avec des yeux rouges puis des cornes? Oui, en fait, c'est vraiment, c'est pas beau. Là. C'est, ça ressemble à... Je cherche le nom là, des gargouilles? Des gargouilles, exactement. Okay. Ouh là là! C'est drôle, c'est exactement l'image que j'avais en tête. Ça ressemble un peu à une gargouille, mais vraiment, là, la gargouille est super belle quand on la regarde. Oui, oui. L'autre, il est vraiment pas beau, là, avec des bosses un peu partout. Je m'attendais pas à vivre ça si rapidement. On appelle ça un cas de possession en deux phases. Ben nous, on l'a eu en deux phases. C'est rare, ça? Une possession active, oui. En fait. Oui. C'est rare que ça arrive, mais il a fallu que je le vive. La première fois, c'était le même soir avec la même personne. Son copain nous a interpellés en disant que sa blonde était à l'intérieur, elle grognait, était enfermée dans la salle de bain, dans le noir. Hey boy. OK. à ce moment-là, ben c'est sûr que avant de faire quoi que ce soit, faut s'enraciner. Moi, en fait, je m'enveloppe de lumière, je m'enracine et je me sauge. Sauge liquide au poignet. Et je m'enveloppe de cette sauge-là. Oui. Parce que... La sauge, c'est ce qu'on connaît le plus régulièrement, en fait, c'est ce qu'on fait brûler oui. dans les maisons pour purifier oui. ce que les exact. Amérindiens, exactement. Les autochtones ont fait. Nous, on sert de ça aussi pour une purification. Mais il y a de la sauge liquide qu'on met sur nous, qui sent meilleur, en fait. Ça sent même très bon. Ça sent meilleur que la fumée. Oui, en effet, parce que ça étouffe. Et puis, bon, je me suis levée d'une claque, puis pouf, j'y vais, je suis partie. C'est la dame, c'est une petite femme, là, toute mince, là, je pense même pas 100 livres. Puis, mais vraiment les yeux de cette femme-là, parce que j'y parlais, puis je l'entendais grogner, puis je m'approchais. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, c'était noir. Quand j'ai voulu allumer la lumière, elle m'a graffiné le bras. Mais c'était pas elle, en fait, là. Et puis, les yeux, quand j'ai mon regard croisé vraiment ses yeux, à l'intérieur de ses yeux, j'ai vu le djinn. Mais là, je l'ai vu, j'ai dit, oh, palaï. Faut pas. À ce moment-là, il fallait pas que mes yeux quittent les siens. Parce que si, moindrement que je tentais de tasser les yeux d'elle, de ses yeux, il pouvait m'agripper. Automatiquement, il pouvait m'agripper. Mm-hmm. J'ai tout essayé. Dans le fond, il se déplace. Oui. Si on détourne les yeux, de ce que je comprends. Ben oui, surtout okay. que. Parce que là, moi, j'avais. Établi le contact avec. Là. Donc là, il fallait vraiment pas que je le laisse. Il fallait que j'y crie après. Vous savez, l'exorcisme qu'on voit dans les films, c'est beaucoup romancé, c'est beaucoup. Mais il y a du vrai aussi dans ça. Bien, c'est ce que, justement, l'année passée, quand j'ai reçu Joanne Villeneuve avec son conjoint Robert. Mm-hmm. Joanne, qui est médium, qui a fait beaucoup de télé, j'y ai demandé, puis elle m'expliquait les films. C'est pas toujours la réalité, mais il y a de la réalité. Il y a beaucoup de fiction, il y a un mélange de fiction et de réalité. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est arrivé là avec elle, finalement, moi, j'ai réussi. Elle m'a dit, il est parti. Parce que tout le long, quand elle était elle-même, à travers de tout ça, elle disait, il me déchire en dedans. Il me blesse en dedans. Puis à un moment donné, elle dit, j'ai plus mal, il est parti. Mm-hmm. Fait que, oh oui, j'ai réussi. J'étais contente, j'étais fière, vidée. Je dégoûtais, j'avais chaud. Il a fallu que je sorte à l'extérieur, me sauger, puis... évacuer tout ça, puis à peu près, quoi, 15 minutes après, c'est reparti de plus belle. Ouais, et là, c'était vraiment, c'était... on était trois pour la tenir dans le bain, puis on réussissait pas. Une femme d'à peine 100 livres. Exactement. Là. Elle était forte, mais c'était pas elle. Et j'ai réussi... c'est encore là. Là, quand je suis ressortie, j'ai éclaté, je pleurais, je sais pas pourquoi. Peut-être le fait du devoir accompli, je ne sais pas. J'avais libéré cette pauvre petite femme, puis elle n'arrêtait pas de me remercier, puis elle venait, puis elle pleurait, puis elle me serrait. toujours au départ. Pour elle, c'était quelque chose, c'était quelque chose de concret. Là, oui, mais quand elle venait me serrer au début, j'avais peur. Parce que j'ai dit, « My God, c'est-tu elle ou le djinn? » C'était vraiment elle. Maintenant, le djinn, c'est sûr qu'on ne peut pas le détruire à jamais. Lui, il a vu, bon, OK, je viens de croiser mon Waterloo, je vais m'en aller. Il est parti, on ne sait pas où, mais on ne peut pas détruire un djinn. C'est impossible. Il va aller tourmenter quelqu'un d'autre, ça peut prendre des années, des siècles. Mais il va le refaire à un moment donné, ou quand, on ne sait pas. Oui, Fabien? Quand on parle justement de ce genre d'événement-là, le djinn provient de la religion, ou en tout cas, est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Mm-hmm. Donc, le djinn est un être maléfique qui est mentionné dans le Coran. Il y a des versets qui en parlent et qui même, en tout cas, pas le glorifient, mais tout comme... Mais c'est sûr que... est-ce que justement la religion vient pas jouer un rôle là-dedans dans les croyances, dans les, le côté sceptique aussi, dans ça image beaucoup. On sait, le bien, le mauvais. On va justement aborder ça. En fait, les phénomènes paranormaux dans la région de Montréal, c'est quelque chose qui est quand même très ouvert. Par contre, quand on revient dans la région de Québec, tout ce qui est paranormal est tabou. Est fermé, très tabou. Fermé. C'est très fermé. On a fait une demande une fois pour investiguer dans une place et on a eu comme réponse, oui, ben écoutez, on va vous charger $600 pour investiguer les lieux. J'ai dit, s'il vous plaît. Et le lieu que l'on demandait pour investiguer, justement, a été investigué en son temps par d'autres équipes de Québec. Qui ont probablement déboursé. On ne sait pas s'ils ont payé pour, mais on sait que ces gens-là ont eu des phénomènes, ont eu des faits qu'ils ont récupérés dans leur investigation. À plusieurs places, on s'est fait fermer les portes en nous disant « Oui, mais nous autres, on est un lieu touristique. Si vous venez parler de fantômes, les gens ne viendront plus ici, vont avoir peur. » Ben, c'est vraiment... C'est pour ça que je disais que ça a sa place quand même au différent, qu'on parle de phénomènes paranormaux et d'investigation de phénomènes inexpliqués, tout ça. Parce que c'est tabou. Il y a des préjugés de un. Énormément. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, de gens qui vont passer, qui vont se faire passer pour des chasseurs de fantômes, on va le dire tel quel. Puis c'est ça fait sous. Mauvaise presse. Pour les sous. Pour les sous, oui. Exactement. Pour l'argent. Nous, on demande rien. Nous autres, si on fait quelque chose, ça nous fait plaisir de le faire. Les gens vont nous écrire, vont nous contacter. Pour nous dire, moi, je vis telle ou telle chose, tel phénomène. C'est sûr que quand les gens contactent un groupe, il peut toujours y avoir du monde. Il y a quelqu'un qui a crié sa rue, j'imagine. C'est pour moi, oui. On continue. Je vous ai vu arrêter les deux, regarder est-ce que c'est réel ou est-ce que... Oui, exactement. Mais, c'est quelqu'un qui parlait très fort sur la rue. certains vont dire que les phénomènes paranormaux, ça n'a pas rapport, ou ils vont carrément nous dire, regarde, ça se peut pas, il n'y en a pas chez nous. On sait qu'il y a beaucoup de places en ville, en haute ville, il y a des bâtiments qui sont très âgés. On parle de... l'histoire commence à Québec aux alentours de 1614. Dans la haute ville, il y a le parc Montmorency, pas la chute Montmorency, parce que souvent les gens ne font pas la différence ou le lien. Le parc Montmorency, qui est un peu plus bas que le château Frontenac, pas très très loin de la terrasse du Frais. Ça, c'est un coin qui date de 1614. C'est des terres qui ont été remises par les moines cultivateurs. Tout ça, c'est tout des petits bouts d'histoire. Parce qu'en fait, le lien n'est pas compliqué à faire. Quand on part de l'histoire, on fait des recherches sur l'histoire, on a les bâtiments, on a l'architecture, et puis, bien sûr, tout ça, les historiques versus les phénomènes liés, les phénomènes paranormaux. telle qu'on a pu vivre ce matin ici, mm-hmm. dans le bâtiment de CKRL, avec bien sûr les entités. On va essayer de ne pas trop le dire fort, parce que des fois, qu'il y en a qui n'aimeraient pas ça, qui auraient peur. Il n'y a pas de danger. On veut pas mais il n'y a aucun danger. Il n'y a pas de danger. Ce que l'on a ressenti. Je rappelle que des fois, je suis toute seule à la station le soir. Il n'y a pas de danger. Ce que l'on a ressenti ici était vraiment sympathique, vraiment agréable. S'il y aurait eu matière à avoir peur ou à avoir une crainte, probablement que j'aurais pu dire « j'aime pas ça ». Mais non, je me suis dirigé vers l'entité. Si je me dirige vers quelque chose, c'est parce que j'ai pas de d'effroi. Et c'est une invitation, en fait. J'aimerais ça qu'on parle d'autres phénomènes. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Oh là là. Quel choisir? En fait, je nommerai pas lequel, là, mais dans une couple d'années, dans un certain cimetière, il y a une entité qui est là depuis je sais pas quand, je sais pas qui non plus, mais c'est une personne qui est décédée par l'alcoolisme. Puis je le sais parce que cette entité-là, à chaque fois que je vais là, m'agrippe dans le dos, puis au bout de quelques secondes, je suis sur le party. Il y a l'alcool. Oui, je marche croche, je ris, j'ai du plaisir, c'est le fun. Mais ça coûte pas cher, c'est plaisant. Ça coûte pas cher, on sait où aller. En tout cas, moi, je sais où aller, finalement. Filer feeling. Oui, exactement. Puis, on a aussi des entités, des petits comiques, des farceurs. Puis justement, dans le même cimetière, il y a le gardien du cimetière. Puis lui, c'est un petit comique. Lui ici, il était sur lui, il est réel ou il n'est pas réel? Non, il n'est pas réel. Chaque lieu a son gardien, a son guetteur. Oui, a son guetteur. Puis lui, c'est un petit farceur. Puis il m'a même dit qu'il avait volé mes petites culottes. Puis. Voyons. Oui. J'ai dit non, je m'excuse, mais je les ai encore. Et à ce moment-là, on était avec une médium, justement, de Montréal. Ah oui. Mianna Johnson, qui était avec l'équipe à ce moment-là, mm-hmm. Avec qui on a travaillé, puis on a eu bien du plaisir à travailler parce que c'est quelqu'un qui est hyper compétent. On a vraiment vu des Josée, choses. Josée, en tout cas, a eu du fun, ça, c'est sûr. Oui. Elle en a eu. Elle était sous l'effet de l'alcool sans avoir pour pris. Pour ma part, j'en ai eu un peu moins parce que à un moment donné, je me suis retrouvé avec... quelque chose de moins sympathique. Moi, je me suis fait kicker dans le flanc gauche. Quand je dis kicker, comme recevoir des coups de pied. J'ai reçu comme des coups de poing, des coups de pied. Mais le dernier, j'ai reçu 5 coups au total. Mm-hmm. Et le 5e coup que j'ai reçu, excusez-moi, mais le monsieur, il était tanné. Et bien sûr, j'étais à genoux. Et je suis tombé, presque tombé. Là, j'ai dit, ça arrête là. C'est assez. Donc, ça, c'est des agressions faites par des entités. Il ne m'a pas traversé. Il m'a juste donné. Il a juste voulu me donner une leçon. Oui, il y en a comme ça. Ou ils vont essayer de nous prévenir de quelque chose. Parce que en même temps, ce soir-là, Fabien a reçu des coups aussi, mais pas fort au niveau du poumon. Puis. Pour apprendre que, pas longtemps après, qu'il faisait une pneumonie. Mm-hmm. Fait que mais c'est parce que quand ça arrive, on n'est pas comme conscient de ce qu'ils veulent nous dire. Parce qu'il y en a des très bonnes entités qui sont là juste pour nous prévenir, nous guetter. Moi, j'ai fait un face-à-face en 2013. Ma voiture est démolie complètement. Et j'ai presque rien. C'est un avertissement parce que j'allais vraiment trop vite. Mais bon, moi, je suis une personne qui conduisait vite. Pour moi, c'est un avertissement que j'ai eu. Écoute, fais attention parce que la prochaine fois, ça peut être autre chose. Depuis ce temps-là, je suis très calme. Mais il faut savoir les différencier. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. C'est pas toujours évident. C'est complexe. C'est quelque chose de si on parle d'entité, c'est des anciennes, souvent c'est des anciennes personnes qui ont vécu, mm-hmm. À part certains cas de phénomènes vraiment qui sont hors de mes champs de compétences, en tout cas, que je peux dire, qui ne sont pas humains, en oui. fait, que c'est oui. d'autres phénomènes. Oui. Donc, c'est du cas par cas. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme expérience que vous n'avez pas vécue, que ben, vous diriez, hey, ça serait le jackpot. J'aimerais ça. Moi, le jackpot, ça. Vraiment, c'est de traverser l'autre côté. Oh, là, il n'y en a pas gros hein, qui voudraient ça. Ah, moi, c'est... Quand on parle, c'est vraiment... Oui. Comment on appelle... L'au-delà. L'au-delà. La lumière. Traverser l'autre côté. Parce que faut à savoir, c'est que l'autre côté, c'est magnifique. Moi, j'ai vu, mais pas plus. J'ai pas pu traverser, là. Parce qu'en fait, je prends des formations, vraiment là, des petits groupes, puis c'est ça, je me suis rendue tout près, mais sans plus, là, j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu ma famille qui était là-haut. C'est beau, on vit comme ici, on a des maisons. Mais en tout cas, je n'entrais pas trop dans le détail de tout ça, mais moi, depuis que j'ai vraiment vu, j'ai plus peur de mourir. Je suis pas prête, là, on s'entend, là. Non, c'est ça, il faut rassurer quand même les auditeurs. Non, moi, je suis pas prête Non, loin de là. Sauf que j'ai pas peur. Mais c'est vraiment une manière, c'est ça, c'est plus une manière de regarder sans nécessairement y aller puis décéder. En fait, moi, j'aimerais y aller, mais revenir. Oui, c'est okay. ça. Là. Oui, c'est vrai. La façon que j'ai dit de traverser l'autre côté, c'est ça. C'est vivre dans les deux mondes, en fait. Parce qu'il y en a comme ça qui vivent entre les deux dans les deux mondes tout le temps. Là. Il y en a qui ont une vie ici, il y en a qui ont une vie de l'autre côté. C'est ça, c'est pas parlé, en tout cas. C'est il y en a quelques-uns. On n'en entend vraiment pas parler. Oui. Vous allez ajouter, Fabien. En 2008, moi, j'ai vécu une petite expérience. Moi, je pense que ça a été là mon jackpot. Et probablement que ça vient de là, tout ce qui se déclenche maintenant avec ce que je fais en lien avec ce que je vis là. En 2008, j'ai eu un problème de santé. J'étais conduit à l'hôpital Laval et au centre hospitalier, on m'a injecté des calmants. J'ai appris à ce moment-là que j'étais allergique à la codéine. Et puis, il y a quelque chose qui m'a été injecté et qui a fait que mon cœur a juste arrêté pas longtemps. Il a arrêté et il est reparti. Et pendant ce temps-là, tout ce que j'entendais, moi, c'était le monde qui était sur la grosse panique autour de moi. J'étais encore dans mon corps, j'étais encore là. J'étais pas au-dessus de moi-même, comme on a déjà pu voir des fois des images. Donc, je n'ai pas plané en suspension. Je suis juste resté là. J'entendais tout ce qui se passait, mais quand on m'a dit par la suite, c'est parce que l'espace d'un moment, tu étais décédé. J'ai dit « OK ». C'est ça, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. Mm-hmm. Une NDE, autrement dit. Near-dead experience. Mm-hmm. J'ai vécu ça, ça n'a pas été long, mais probablement que quelques temps plus tard, il y a 3-4 ans, ben, tout s'est redéclenché mais et c'est là que c'est j'ai un point commun de ceux qui ont vécu cette expérience-là de mort imminente, de ce que j'ai entendu autour de moi et même en reportage, en recherche, mm-hmm. tout ça, en documentation, mm-hmm. c'est ce que je vois, c'est qu'après ça, ils reviennent, on dirait qu'il y a ce que vous appelez le canal qui est ouvert, qui ont comme des perceptions, d'interaction avec ce qui est paranormal. C'est que le canal est c'est plus ouvert parce que, vous savez, quand on est enfant, tous les enfants, eux, ils voient les entités. C'est quand on dit un enfant, il y a un ami imaginaire. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un ami imaginaire. Ils voient les entités, ils discutent avec les entités. C'est qu'il y en a que au bout d'un certain temps, ben ça disparaît, puis il y en a d'autres que bon, ça reste. Mais il s'agit juste de le redévelopper un peu plus tard. C'est quoi, c'est l'influence de la société? En fait, c'est que c'est le canal qui se referme parce qu'il est comme pas entretenu. C'est ça, par l'influence extérieure, parents, les croyances, la société, ce qu'ils voient. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, en fait, ils disputent les enfants parce que l'enfant parle avec le un mur, peu importe, mais c'est, il parle avec une entité. Mais en fait, le monstre dans le placard ou le monstre sous le lit, parfois, c'est pas vraiment un monstre, c'est une entité. Ouais. Et c'est même plus un phénomène qu'il a pour... C'est un phénomène protecteur. Mm-hmm. Lui, il va être là pour protéger l'enfant parce que l'enfant, justement, est un être vulnérable. Donc, cette entité-là, elle est là pour ça, protéger l'être vulnérable. C'est ça, sa job. En terminant, parce qu'il nous reste quelques minutes, s'il y a des gens qui sont intéressés à... Là, vous l'avez dit, ça ne coûte rien, mais on peut quand même donner un certain montant si on veut. Là, c'est vraiment volontaire. C'est vraiment sur base volontaire. C'est les gens qui décident. C'est à leur discrétion. Si on veut que les... que vous veniez voir avec... Parce que vous avez votre équipement, vous avez... J'ai vu ça, vous l'avez amené, une partie de votre équipement, je crois. Si on veut que quelqu'un... Que vous veniez voir, faire une enquête, voir... Moi, j'entends des sons bizarres chez nous. J'aimerais ça savoir, c'est-tu le bâtiment qui bouge ou c'est vraiment quelque chose qui est inexpliqué? On peut vous appeler ou on peut... Il y a le groupe, en fait, EPIQ, qui est EPIQ, qui est facile à trouver comme groupe sur Facebook. Oui. Mais sinon, comment on peut vous contacter autrement? C'est vraiment par là ou... Non. Québec.epic@commercial.gmail.com. Ça, c'est l'adresse courriel. Donc, québec.epic@commercial.gmail.com. L'adresse courriel est sur le groupe Facebook. De toute manière, on sait nous trouver. Il y a également le numéro de téléphone qui est la ligne AFO, la ligne active, qui est mon cellulaire aussi, qui est dans le 418-558-7935. C'est sûr que les gens qui... S'il y en a qui appellent pour me chanter des niaiseries, c'est déjà arrivé. Ce monde-là, ben mettons que, écoutez, on va leur conseiller peut-être d'en boire une de plus et puis pour le reste. Mais sinon, justement, là, on parle des gens qui sont bien intentionnés. Mes auditeurs sont gentils. Il n'y a pas de mauvais auditeurs dans ce cas-là. Ils sont ouverts, justement, avec les différents. En général, les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, et sans faire de mauvais jeu de mots. Ça donne comme ça. Mais sinon, c'est ça, vous arrivez avec votre équipement, vous installez. Ça prend combien de temps, une enquête? On arrive, quoi, c'est l'enquête de soir, on arrive sur les lieux, 19h, on installe le matériel, quelqu'un va rester avec le client pour jaser avec, voir un peu, aller chercher les informations diverses. On installe le matériel et aux alentours de 8h30, 8h45, on ferme les lumières, on décolle l'enquête. Ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures. Ça dépend. On sait pas, on peut avoir des phénomènes très vite comme on peut en avoir. Il y en a qui sont plus lourds. Ça peut arriver aussi qu'on n'en ait pas du tout. Et ça peut arriver qu'il ne se passe rien. Parce qu'il y en a qui disent « Oh, ils sont là, on ne fait rien. » Oui, il y en a qui sont pas... Ou il y en a que c'est juste rien qui se passe. Oui, exactement. On est vraiment là pour démystifier ou valider des phénomènes paranormaux. Ben merci, c'est déjà tout pour... Ça a passé vite. On en a encore pour des heures. J'en doute même pas. J'ai juste parlé du corps, de ce que je voulais je voulais vous poser comme question. Ben écoutez, vous reviendrez l'année prochaine pour un autre problème, spécial Halloween. Ou un vendredi 13, vous rappellera. Oui, un vendredi 13, pourquoi pas? Pourquoi pas? On aime ça faire peur aux gens. Non. Fabien de Marteau puis José Michaud de EPIQ, Enquête merci. Phénomène inexpliqué Québec. Merci d'être passé à l'émission et puis ben, à une prochaine. Puis merci je vais mettre beaucoup. Toutes les infos sur la page des différents. Merci à vous. Merci beaucoup. Joyeux Halloween! Oui, joyeux Halloween. C'est tout pour les différents de cette semaine. Écoutez, je vous remercie d'avoir été à l'écoute cette semaine et d'avoir eu cette ouverture d'esprit avec les différents. Et puis, j'ai le meilleur public à Québec puis au Québec. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre différence, un autre tabou, un autre préjugé. Bye-bye.